Nous allons parler aujourd'hui de Simone Veil, cette philosophe humaniste connue pour son engagement ouvrier, qui est une figure très singulière dans l'histoire de la philosophie. Nous allons en parler aujourd'hui grâce à Marc Balanfa, qui vient de faire paraître Simone Veil ou le combat de l'ange contre la force aux éditions Hermann. Marc Balanfa, bonjour. Bonjour. Simone Veil regagne notre intérêt. J'ai envie de dire que ces temps-ci, là, cette philosophe qui avait été un petit peu oubliée, retrouve tout l'intérêt des philosophes contemporains. Depuis la commémoration, donc il y a deux ans, du centenaire de sa naissance, et surtout depuis qu'un grand nombre de publications, effectivement, s'intéressent sérieusement et à sa politique et à sa philosophie. Oui. Alors, pourquoi en faites-vous une allégorie sur le démon de la force? Pourquoi cet intérêt sur un rapport, effectivement, un peu imagé à cette question? Il se trouve que oui, en forme d'allégorie, parce que lorsqu'on lit son premier essai de 1934, « Réflexion donc, sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale », on se rend compte immédiatement que c'est comme la force qui suscite son intérêt et qu'elle veut analyser la machine sociale comme une machine de force qui inscrit les hommes dans des rapports de force. La force, c'est la nature des rapports sociaux. Voilà, c'est ça. Et j'ai été particulièrement sensible à cet aspect dans la mesure où, à juste titre, je crois, elle reproche à Marx et aux marxistes de son époque, on est en 1934, de sous-estimer le désir de pouvoir dans les relations sociales et la force que cela implique, l'usage de la force que ce désir de pouvoir implique. Alors, une des grandes originalités de votre livre, c'est de travailler sur une question que vous connaissez bien, les philosophies indiennes et leur influence dans la pensée de Simone Veil. Parce qu'elle les a étudiées avec passion. Elle les a étudiées avec passion, elle n'a pas eu beaucoup le temps, puisqu'elle a commencé en 41, elle est morte en 43 à Londres. Mais c'est une passion parce que immédiatement elle y voit une certaine convergence avec un certain nombre de ses préoccupations, à la fois politique, philosophique et mystique. Je dirais par exemple le thème du renoncement, le thème du détachement et le thème d'une espèce de quête de libération. Enfin, c'est surtout peut-être cette idée qui m'avait motivé au départ. L'intérêt de Simone Veil pour une philosophie de la libération et contre des philosophies de la liberté. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer cette distinction entre philosophie de la liberté et philosophie de la libération? Disons que schématiquement, même si le schématisme est toujours un peu grossier, la plupart des philosophies occidentales se présentent plutôt comme des philosophies de la liberté, avec le postulat moral que cela implique, comme on le sait avec Kant, alors qu'à partir de Spinoza et même avant Lucrèce ou Épicure, un certain nombre d'autres philosophies se présentent comme des dispositifs intellectuels pour permettre à l'homme individuellement de se libérer d'un certain nombre de contraintes, et en particulier de la force. Mais n'y a-t-il pas quand même un grand écart entre la libération révolutionnaire, l'émancipation sociale et la libération telle que la conçoivent les philosophies indiennes? C'est-à-dire que Simone Veil, elle expérimente tout en quelques années, ça va très très vite. Moi, ce que j'admire en elle, c'est une espèce de précocité intellectuelle. Donc, elle a très vite vu dans les années 33-34 les limites du soviétisme. Elle n'y croit plus du tout au parti communiste soviétique. Et c'est en fonction de ça qu'elle s'oriente vers un autre type de libération qui serait une libération individuelle. Cette période des années 40-41, période un petit peu des écrits de Marseille, Oui, c'est ça. C'est une période mystique assez étrange, parce que finalement il y a à la fois les philosophies indiennes, il y a une conversion au christianisme. Enfin, conversion, disons qu'elle ne s'est jamais réellement convertie. Oui, rappelons qu'elle est d'origine juive. Voilà. Elle ne s'est jamais convertie au catholicisme. D'ailleurs, certains l'ont regretté, mais elle s'en est expliquée. D'abord, elle ne veut pas entrer dans l'Église. Tout à l'heure, vous parliez du manque d'adhésion de certains. Ce n'est pas une personne qui veut adhérer. Oui. Et pour elle, entrer dans l'Église, c'est perdre son autonomie de sujet. Mais malgré tout, on le voit bien dans les textes, des beaux textes d'ailleurs de la fin, il y a beaucoup d'allusions à la figure du Christ. Alors, il y a beaucoup d'allusions à la figure du Christ, effectivement, mais le Christ, dans son imaginaire ou dans sa quête philosophique, représente une espèce de renonçant idéal. Quelqu'un qui, qui est la faiblesse consentie, mais la faiblesse absolue consentie jusqu'au maximum. C'est-à-dire éventuellement jusqu'à la mort. Mais cela rejoint ces lectures mystiques des Upanishads ou enfin, de certaines philosophies indiennes. Oui, absolument. Ça rejoint, si vous voulez, ce qu'elle a pu comprendre dans les philosophies indiennes, c'est-à-dire l'idée que... Je dis ce qu'elle a pu comprendre. Est-ce qu'il y a une petite réserve quand vous dites ça? C'est-à-dire qu'elle a eu quand même à peine le temps de s'y intéresser. Très vite, elle s'est mise toute seule à étudier des textes sanscrits. Donc, si vous voulez, en 3 ans à peine... Elle a des intuitions qui sont assez étonnantes. Sur d'autres aspects, elle a pu effectivement se tromper. Mais alors, c'est un peu un mélange, une sorte de syncrétisme. C'est une espèce de syncrétisme parce que je crois que le temps lui a manqué pour développer et expliciter sans doute après la guerre ce qu'aurait été son autre parcours intellectuel. Mais elle voit bien que, au fond, on ne peut pas parler de révolution si on ne se détache pas du désir de pouvoir, et que ce désir de pouvoir, au fond, c'est un petit peu l'impensé des études politiques de son époque. Oui. Donc on comprend bien que, pour elle, la libération, ce n'est pas simplement sortir de l'oppression, par exemple, politique, sociale, économique, mais c'est, en quelque sorte, se libérer de l'idée même de pouvoir et d'oppression, de ne pas, en quelque sorte, passer du côté de la domination, de passer du côté de la domination. Se libérer, en fait, de cette fascination que l'Occident a pour la force, et qu'elle analyse très bien dans son poème de l'Iliade, qui s'appelle « Le poème de la force ». Elle y voit bien une espèce d'archéologie de la fascination que l'Occident entretient et continue d'entretenir aujourd'hui pour l'usage de la force. Et la figure de cette libération, ce serait l'ange mystique? Alors l'ange mystique, ça, c'est moi qui ai introduit cela, parce que cette expression ne se trouve pas du tout chez elle. Mais sans doute pour rappeler que, comme vous l'avez dit, Simone Veil est juive, et elle a donc un fond de culture judaïque, sans doute, peut-être même à son insu, et dans lequel la figure de l'ange est importante. Comme on le voit par exemple chez Walter Benjamin. Votre texte est donc un texte d'histoire de la philosophie, mais aussi de réflexion sur cette notion de force. Quel serait pour vous le mode d'entrée le plus contemporain pour quelqu'un qui voudrait étudier Simone Veil, comprendre son actualité? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Commencer par l'essai de 34, assurément, réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Oui. On voit bien qu'au fond, la liberté est reléguée en fin de livre et elle n'a au fond quasiment rien à en dire, mais ce qui l'intéresse, c'est l'oppression. Comment se fait-il que les hommes acceptent aussi facilement d'être opprimés? Pourquoi les mécanismes de l'oppression s'entretiennent-ils dans notre société? Thank you.